Le mardi 2 mai, ici Dominique Lelièvre et les informations. La Ville de Québec envisage sérieusement l'expropriation pour forcer le développement du terrain vacant de la côte d'Abraham. Le même sort attend les propriétaires de la maison Pollack et de la petite maison blanche de l'avenue Wilfrid Laurier. C'est ce qu'a révélé Régis Labeaume ce matin en marge de la présentation d'une stratégie pour préserver et mettre en valeur le patrimoine de Québec au cours des 10 prochaines années. La Ville met en place plus de 44 pistes d'action et 8 axes d'intervention. Elle entend notamment lancer un concours d'architecture afin de trouver une nouvelle vocation à l'église Saint-Cœur de Marie située sur la Grande Allée. La 18e édition du Festival Comédie Art réunira cet été à Québec plus de 450 artistes ainsi qu'une centaine de spectacles. Le festival envahira de nombreuses salles du 7 au 18 juin, dont le Grand Théâtre, l'Impérial, le Parc de l'Esplanade, en plus d'endroits méconnus dans le secteur du Vieux-Port. Plusieurs grands noms de l'humour prendront part au gala, dont P.A. Méthode, Philippe Bande ou encore Patrice Lécuyer. Les têtes d'affiche de la programmation régulière inclut également Jean-François Mercier, Jean-Michel Anctil ou encore François Léveillé. Comédie A promet enfin une expérience hors du commun à ses festivaliers dans le cadre de ses parcours humoristiques. Scène nationale, le directeur des poursuites criminelles et pénales demande une enquête criminelle sur les allégations d'Yves Francoeur. La directrice Annick Murphy veut faire toute la lumière sur les allégations du leader syndical des policiers de Montréal qui a affirmé la semaine dernière que deux libéraux avaient échappé à une enquête criminelle en 2012. Madame Murphy souligne la gravité des allégations et mentionne que M. Francoeur n'a toujours pas contacté le DPCP pour faire part de ces allégations. Enfin, l'espérance de vie fait un bond au Québec en 2016. Les hommes réduisent l'écart avec les femmes avec une espérance de vie qui atteint désormais 81 ans pour les messieurs contre 85 ans pour les femmes selon les plus récentes statistiques de l'Institut de la statistique du Québec. La tendance est d'ailleurs à la hausse ces dernières années. En une décennie, les hommes et les femmes ont gagné plusieurs mois en espérance de vie. Printemps, été, automne, hiver, météo. C'est nuageux présentement à Québec et des averses débuteront cet après-midi. C'est venteux avec 30 km/h et des rafales à 50 cet après-midi. Un maximum qui est prévu à 12 degrés. Ce soir et cette nuit, des averses. Ça se termine en fin de nuit pour faire place demain à des nuages et 40 % de probabilité d'averses. Il fera un maximum de 9 degrés demain mercredi. Jeudi, c'est du soleil, 14 degrés. Présentement à Québec, on a 8 degrés.